Marthe, désormais mariée, habitait J, point de suspension. Sa rue descendait jusqu'à la Marne. Chaque trottoir réunissait au plus une douzaine de villas. Je m'étonnais que la sienne fût si grande. En réalité, Marthe habitait seulement le haut, les propriétaires et vieux ménages se partageant le bas. Quand j'arrivais pour goûter, il faisait déjà nuit. Seule une fenêtre, à défaut d'une présence humaine, révélait celle du feu. Avoir cette fenêtre, illuminée par des flammes inégales, comme des vagues, je crus à un commencement d'incendie. Gravissant les trois marches du perron, je me décidai à frapper contre les vitres du rez-de-chaussée de droite, derrière lesquelles j'entendais des voix. Une vieille femme ouvrit la porte. Je lui demandai où demeurait Madame Lacombe. Tel était le nouveau nom de Marthe. « C'est au-dessus !» Je montai l'escalier dans le noir, trébuchant, me cognant, et mourant de crainte qu'il fût arrivé quelque malheur. Je frappai. C'est Marthe qui vint m'ouvrir. Je faillis lui sauter au cou, comme les gens qui se connaissent à peine après avoir échappé au naufrage. Elle n'y eut rien compris. Sans doute me trouva-t-elle l'air égaré, car avant toute chose, je lui demandai pourquoi il y avait le feu. C'est qu'en vous attendant, j'avais fait dans la cheminée du salon un feu de bois d'olivier, à la lueur duquel je lisais. En entrant dans la petite chambre qui lui servait de salon, je fus à la fois heureux et malheureux, comme un dramaturge qui, voyant sa pièce, y découvre trop tard des fautes. Marthe s'était étendue le long de la cheminée, tisonnant la braise et prenant garde à ne pas mêler quelques parcelles noires aux cendres. « Vous n'aimez peut-être pas l'odeur de l'olivier. Ce sont mes beaux-parents qui en ont fait venir pour moi une provision de la propriété du midi. » Au contraire, ce feu me ravit, et aussi de voir qu'elle attendait comme moi de se sentir brûlante d'un côté pour se retourner de l'autre. Son visage, calme et sérieux, ne m'avait jamais paru plus beau que dans cette lumière sauvage. Marthe ignorait ce que c'est que d'être mutine. Dans son enjouement, elle restait grave. Mon esprit s'engourdissait peu à peu auprès d'elle. Je la trouvais différente. C'est que maintenant que j'étais sûr de ne plus l'aimer, je commençais à l'aimer. Tout à coup, je me sentais meilleur. Ce brusque changement aurait ouvert les yeux de tout autre. Je ne vis pas que j'étais amoureux de Marthe. Au contraire, j'y vis la preuve que mon amour était mort et qu'une belle amitié le remplacerait. Cette longue perspective d'amitié me fit admettre soudain combien un autre sentiment eût été criminel, lésant un homme qui l'aimait, à qui elle devait appartenir et qui ne pouvait l'avoir. Pourtant, autre chose m'aurait dû renseigner sur mes véritables sentiments. Il y a quelques mois, quand je rencontrais Marthe, mon prétendu amour ne m'empêchait pas de la juger, de trouver laide, la plupart des choses qu'elle trouvait belles, la plupart des choses qu'elle disait enfantines. Aujourd'hui, si je ne pensais pas comme elle, je me donnais tort. Après la grossièreté de mes premiers désirs, c'était la douceur d'un sentiment plus profond qui me trompait. Je me sentais plus capable de rien entreprendre de ce que je m'étais promis. Je commençais à respecter Marthe, parce que je commençais à l'aimer. Je revins tous les soirs. Je ne pensais même pas à la prier de me montrer sa chambre, encore moins à lui demander comment Jacques trouvait nos meubles. Je ne souhaitais rien d'autre que ses fiançailles éternelles, nos corps étendus près de la cheminée, se touchant l'un l'autre et moi, n'osant bouger, de peur qu'un seul de mes gestes suffit à chasser le bonheur. Mais Marthe, qui goûtait le même charme, croyait le goûter seul. Dans ma paresse heureuse, elle eut de l'indifférence. Pensant que je ne l'aimais pas, elle s'imagina que je me lasserais vite de ce salon silencieux si elle ne faisait rien pour m'attacher à elle. Nous nous taisions. J'y voyais une preuve du bonheur. Ce silence accablait la pauvre petite.